Je vais contourner le lobe antérieur de votre cerveau pour agir directement au niveau de la moelle. Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Nous portons sous notre crâne 100 milliards de neurones et il y aurait des trillions de milliards de liaisons possibles. Elles nous permettent d'agir, de communiquer ou d'apprendre. Le cerveau se livre depuis peu aux scientifiques. Il y a quelques décennies encore, il était impossible d'étudier le cerveau de personnes vivantes. Dans cet épisode, Laurent Cohen, professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, va nous parler des immenses progrès accomplis dans la connaissance de cet organe mystérieux. Laurent Cohen est un chercheur qui est aussi un excellent vulgarisateur. Il va nous décrire les cartes du cerveau. Elles ont été établies bien avant que les technologies ne permettent de voir quelles sont, quand on lit, quand on compte ou quand on lève le bras, les zones du cerveau qui s'activent. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Au 19e siècle, en fait, c'est à ce moment-là que on a fait les grandes découvertes, qu'on est entré dans l'ère d'une compréhension un petit peu rationnelle, moderne, scientifique de ce que c'est que le cerveau. Une des grandes questions qui a été tirée au clair un petit peu au 19e siècle, c'est l'idée de la spécialisation cérébrale. C'est-à-dire que au début du 19e siècle, on ne savait pas si le cerveau était un petit peu comme le foie ou la rate ou les poumons, c'est-à-dire une espèce de grosse masse homogène dont toutes les parties faisaient la même chose, ou bien si c'était la combinaison de petites régions séparées, distinctes, avec chacune un rôle différent. Et en fait, pendant les deux premiers tiers du 19e siècle, c'est resté une question ouverte. Il y a des gens qui disaient « oui, oui, il y a les différentes parties du cerveau sont très spécialisées », et d'autres disaient « non, ce qui compte pour le cerveau, c'est d'en avoir un gros, et que le cerveau secrète la pensée d'une certaine manière, comme le foie secrète la bile », on dit certains. Cette question a été résolue finalement à partir de 1860 par des observations médicales de patients qui souffraient de lésions, d'accidents vasculaires ou autres, qui touchaient des régions bien définies de leur cerveau. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que selon l'endroit exact qui est endommagé, eh bien vous allez avoir des dégâts et des pannes différentes qui touchent le langage, le mouvement, la vision, etc. Un des cas les plus célèbres, c'est l'histoire de Monsieur Le Borgne. Alors, Monsieur Le Borgne, c'était un patient qui a été rendu célèbre par Paul Broca. Paul Broca, c'était une des gloires de la médecine française du 19e siècle. Il a fait toutes sortes de choses. Il a découvert l'aspect microscopique des métastases des cancers. Il a inventé des méthodes opératoires diverses et variées. Et en plus de ses casquettes médicales, et en plus du fait qu'il a fini sénateur, eh bien, il avait la casquette d'anthropologue. C'est-à-dire qu'il se posait des questions sur la nature humaine en général, et une approche scientifique de la nature humaine. Parmi les questions générales sur la nature humaine que se posait Broca, et le club, qui était la société d'anthropologie dont Broca était un des fondateurs, c'était la question justement dont je vous parlais de la spécialisation cérébrale. Et alors que cette question était dans l'air, eh bien Broca était nommé chirurgien à l'hospice de Bicêtre, dans le sud de Paris. Et peu après son arrivée, on lui a présenté un patient qui s'appelait Monsieur Le Borgne, parce que Monsieur Le Borgne avait une infection extrêmement grave d'une jambe, et il fallait donc que le chirurgien prenne une décision. Alors Broca, en tant que chirurgien, l'a examiné, et il a dit c'est malheureusement trop tard, il est fichu, il va mourir dans les 3 jours sans qu'on puisse rien faire. Mais, au passage, il a remarqué quelque chose d'autre d'intéressant concernant M. Le Borgne, c'est que M. Le Borgne n'était pas connu sous ce nom dans l'institution où il était hospitalisé depuis des années et des années, mais sous le nom de Tantan, parce que il ne pouvait rien dire d'autre que Tantan, Tantan, Tantan, Tantan, etc. Le point intéressant, c'est qu'il ne pouvait donc pas dire autre chose, mais que, à part ça, son fonctionnement intellectuel avait l'air d'être tout à fait convenable. Il comprenait ce qu'on lui disait. Il était inséré dans la vie de l'institution. Il était particulièrement antipathique, malhonnête, etc. Bref, c'était quelqu'un de normal. Et la raison pour laquelle ça a paru intéressant à Broca, c'est qu'il s'est dit, voilà quelqu'un qui a perdu une faculté intellectuelle. En l'occurrence, ce qu'il a appelé le langage articulé. Donc, si, comme je le pense, le cerveau est un organe avec des régions spécialisées, et que, comme la tradition le dit, le langage se trouve localisé dans l'avant du cerveau, eh bien, ce monsieur devrait avoir une lésion à un endroit bien localisé dans l'avant de son cerveau, dans les régions frontales. Il a attendu 2 jours, monsieur Le Borgne est mort, il a fait l'autopsie, et effectivement, il a trouvé une lésion, une région endommagée de son cerveau, dans la région, en l'occurrence, frontale gauche, qui jusqu'aujourd'hui s'appelle la région de Broca. Voilà, ça c'est l'exemple d'un patient, un des patients fondateurs dans cette histoire de la localisation cérébrale. Cet exemple de la localisation, de la spécialisation cérébrale pour le langage, en fait, c'est appliqué dans plein de domaines de la vie mentale. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a vu qu'il y avait cette région, la région de Broca, mais en fait pas mal d'autres aussi, mais pas n'importe lesquelles, qui étaient spécialisées pour le langage, on a montré que des régions étaient spécialisées dans bien d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la vision, pour prendre qu'un exemple, en 1888, je crois, par là, un neurologue suisse, du nom de Verret, a décrit l'histoire d'une dame qui a perdu la vision des couleurs dans la moitié de son champ visuel. C'est-à-dire que quand elle regardait droit devant elle, vous pouvez assez bien imaginer ça, d'un côté, les choses étaient en couleur, et dans l'autre moitié de son champ visuel, les choses étaient en noir et blanc, comme si vous regardiez un écran de télévision qui, à droite, était en couleur, à gauche, était en noir et blanc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et cette dame avait une petite lésion, qui était évidemment tout à fait ailleurs que M. Le Borgne, qui était dans l'arrière du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que non seulement la vision aussi fait appel à des régions très particulières du cerveau, mais qu'à l'intérieur même de la vision, les différents aspects de la vision, les couleurs, les mouvements, les formes, etc., sont analysés par des régions différentes du cerveau et qu'on peut perdre donc la perception des couleurs alors que tout le reste continue à bien marcher. Donc ça, je trouve que c'est un exemple particulièrement frappant de cette idée de spécialisation cérébrale. Alors, à partir de ces observations, apparaît, comme ça, sur des arguments cliniques et anatomiques, évident le fait qu'il y a une spécialisation cérébrale, que les différentes parties du cerveau font des choses différentes, même dans le domaine des fonctions intellectuelles les plus abstraites. Et à la même époque, on est toujours à la fin du 19e siècle, eh bien, les anatomistes font des études microscopiques de plus en plus détaillées de l'aspect du cerveau, du cortex, etc., et commencent à faire des cartes. Brodmann, un anatomiste allemand de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, Brodmann en particulier, s'aperçoit que quand vous regardez au microscope les différentes régions du cerveau, eh bien elles ne sont pas organisées exactement de la même manière. Les couches de cellules qui composent le cortex sont plus ou moins épaisses, plus ou moins distinctes, etc., selon les régions du cerveau que vous regardez. Et il fait une carte qui est encore utilisée aujourd'hui, qu'on appelle la carte de Brodmann, qui divise le cerveau en une espèce de multiplicité de petites provinces, chacune numérotée, ce qui va bien avec l'idée que les différentes régions ont des fonctions distinctes. Alors le cerveau a une particularité, c'est qu'il est caché à l'intérieur de la boîte crânienne, c'est-à-dire qu'il est particulièrement inaccessible. Donc si vous voulez voir le cerveau, ce qu'on faisait à la fin du 19e siècle, par exemple, et qu'on continue à faire pendant longtemps, c'est que la seule manière de voir le cerveau, c'est d'ouvrir le crâne. Et généralement, pour ouvrir le crâne de quelqu'un, soit il faut avoir une bonne raison, soit il faut attendre qu'il soit mort. Donc toutes les premières tentatives pour voir le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, eh bien, ont été assez tardives en fait. Si on essaie de voir le cerveau, il y a 2 questions qu'on voudrait se poser. Première question, à quoi il ressemble? On voudrait voir l'anatomie du cerveau. La 2e chose qu'on voudrait savoir sur le cerveau, c'est comment il fonctionne. Alors actuellement, il y a différentes sortes de méthodes d'imagerie anatomiques, fonctionnelles, qui permettent de faire ça. Mais la première manière de voir d'une manière objective le fonctionnement du cerveau, c'est en fait l'électroencéphalogramme, qui est un examen qui se pratique évidemment encore, que beaucoup de gens ont eu, mais qui a été inventé au début des années 30, 1930, par un médecin allemand du nom de Hans Berger, qui a, pour la première fois, posé des électrodes sur le crâne de quelqu'un et s'est aperçu qu'il y avait des ondes électriques qu'on pouvait mesurer à la surface du crâne et qui, en fait, reflétaient de façon immédiate, puisque le champ électrique se propage de façon quasi instantanée, eh bien, reflète l'activité électrique des neurones à l'intérieur du crâne. Alors l'électroencéphalogramme, c'est une technique qui a d'une part acquis des applications médicales, en particulier dans le diagnostic de l'épilepsie, c'est-à-dire une crise d'épilepsie, par exemple, c'est une grosse décharge électrique anormale dans le cerveau, donc ça se voit sur un électroencéphalogramme. Et puis c'est également une méthode qui a été développé pour l'exploration fondamentale des mécanismes cérébraux de la pensée, par exemple. Et c'est toujours utilisé actuellement pour explorer les mécanismes de la pensée. C'est une des méthodes d'imagerie fonctionnelle cérébrale. Et en fait, les grands progrès dans le domaine de la compréhension des fonctions cognitives a commencé plutôt à partir des années 1960 et 1970. Alors bien entendu, même si on ne comprend pas très bien comment fonctionne un organe, et c'est vrai pour tous les organes, on peut quand même essayer de le soigner. Et à cette époque, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la neurochirurgie, existait déjà naturellement. La neurochirurgie intervient dès qu'il y a quelque chose à réparer ou à retirer dans le cerveau, d'une part, s'il y a une tumeur qu'on souhaite retirer, et puis aussi dans certains cas d'épilepsie, où à partir des années 1950, notamment il y a les travaux de Penfield au Canada, qui a montré qu'on pouvait repérer le point de départ de crise d'épilepsie dans le cerveau et dans certains cas retirer chirurgicalement la zone à l'origine des crises d'épilepsie. 15 mars 1949, Paris Inter, émission « Ainsi va le monde », reportage du journaliste Georges Join. Un homme est étendu sur le billard. Son crâne, complètement rasé, reluit sous le ciel ictique. Une tumeur s'est implantée dans la délicate substance blanche. Le chirurgien pique le cuir chevelu avec une longue aiguille souple. Voilà l'anesthésie, la seule, car le cuir chevelu seul est sensible. Le cerveau, centre de la sensibilité, centre du rêve et de la conscience, est absolument indolore en lui-même. Le chirurgien se livre maintenant sur le malade à la pratique du scalp. Le crâne est à nu. Voici les méninges. Un homme, bardé d'asepsie, un homme aux mains gantées, plonge une minuscule lampe électrique dans le cerveau d'un autre homme. Alors c'est un enregistrement qui a un ton frankensteinien absolument terrifiant. Le cerveau, effectivement, est un organe qui n'est pas douloureux. On ne peut pas avoir mal au cerveau. Quand on a mal à la tête, ce n'est pas le cerveau, c'est le crâne, les méninges, tout ce qui est autour. Et ça permet, d'ailleurs, encore maintenant, de réveiller des patients pendant qu'on est en train de les opérer du cerveau et de stimuler électriquement certaines zones de leur cerveau pendant qu'ils sont réveillés et voir si, par exemple, cette stimulation les empêche de parler, les gêne pour bouger. Et c'est une des choses que les chirurgiens utilisent pour décider s'ils continuent à en enlever ou bien s'ils s'arrêtent là, parce qu'ils ont peur, en allant plus loin, de provoquer des déficits. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. J'en ai marre d'allier des paroles et des paroles. Il y a même des contre-points. J'en ai marre d'allier des paroles et des paroles. Ma façon de faire de la musique sans musique. Je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. J'en ai marre. C'était Hugues Le Bars. Les Aventuriers sur France Inter. Dans les années 60, une découverte bouleverse la vision que les scientifiques ont du cerveau humain. On comprend que les neurones communiquent grâce à des signaux électrochimiques, ce qui permet d'utiliser de nouveaux moyens d'exploration. Les neurologues commencent par ailleurs à avoir une approche moins technique de cet organe qui est le siège de nos pensées. Ils se rapprochent des psychiatres et des psychologues. C'est à cette époque qu'apparaît le terme de neuropsychologie cognitive. Laurent Cohen, professeur en neurologie. Alors à partir des années 1960 et 1970, il y a eu une sorte de révolution qu'on a appelée la révolution cognitive qui a permis des progrès gigantesques dans la compréhension des fonctions intellectuelles, la manière dont le cerveau fait pour penser. Et c'est une révolution qui n'est pas venue du côté des sciences du cerveau, en réalité, mais du côté de la linguistique. Il y a la linguistique de Chomsky, il y a le développement de l'intelligence artificielle, le développement des ordinateurs, le développement d'une nouvelle science, finalement, qui s'est appelée la psychologie cognitive et dont le but était de comprendre comment fonctionne, par exemple, le langage ou la mémoire ou la vision, mais en essayant d'en donner des modèles bien précis, bien explicites. Par exemple, quand vous comprenez une phrase, eh bien, comment vous faites, milliseconde par milliseconde, pour reconnaître chaque mot parmi les 50 000 mots que vous connaissez de la langue française? Comment vous faites pour savoir qu'est-ce qui est le sujet, qu'est-ce qui est le complément, etc. Et ceci de la manière la plus claire et la plus explicite possible. On peut prendre un exemple de ce que c'est que la neuropsychologie cognitive en parlant de la lecture. Quand vous lisez un mot, On part du système normal, quelqu'un de bien portant. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un de bien portant quand il lit un mot? Alors, on peut dire deux choses. On peut dire premièrement que si je vous montre un mot nouveau que vous n'avez jamais vu, clamidrou par exemple, je vous écris clamidrou, vous pouvez parfaitement le lire, vous pouvez dire « ah bah ça doit se dire clamidrou ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez dans la tête des règles, vous savez comment on fait correspondre certains sons à certaines lettres. Donc « que », ça se lit « que », « re », ça se lit « re », etc. Vous pouvez faire ça. Deuxième chose, si je vous montre un mot irrégulier, comme le mot « oignon ». Oignon, c'est irrégulier parce que ça devrait se lire « oignon » si on appliquait les règles habituelles. Or, ça se lit « oignon ». Eh bien, néanmoins, vous le lisez « oignon ». Ça veut dire que vous, en plus des règles que vous connaissez de correspondance des lettres et des sons, en plus, vous avez mémorisé la prononciation particulière de chaque mot, notamment de ces mots irréguliers. Bon, ça veut dire que quand vous voyez des lettres et que vous les lisez à haute voix, il peut se passer deux choses entre les deux, qu'il y a deux voies de lecture. Et ça, c'est un truc purement théorique. On n'est pas allé voir dans le cerveau, j'ai fait appel simplement à votre bon sens pour dire ça. Et à partir des années 1970, au début des années 70, on a montré qu'il y avait des patients qui, à la suite d'accidents cérébraux, avaient des problèmes de lecture. et que certains de ces patients avaient des problèmes de la connaissance des règles de correspondance entre les lettres et les sons, et que par exemple, ces patients, si vous leur montrez Clamidrou, sont totalement incapables de le lire, parce qu'ils ne savent plus que ça se lit que, R ça se lit re, etc. Mais qu'en revanche, quand vous leur montrez des mots réels, oignons, champignons, etc., ça, ils peuvent les lire, parce qu'ils ont gardé la connaissance dans leur mémoire de la prononciation des mots. Ça veut dire que c'est effectivement dans le cerveau, ces deux manières de lire sont distinctes. Et l'étude des patients, dans cet exemple simple, a confirmé que cette division des mécanismes de lecture en deux voies différentes, supposées sur la base du comportement normal, était biologiquement réelle. Ça, c'est un exemple ultra typique de neuropsychologie cognitive. À partir des années 1970, s'est greffé ce qu'on appelait la neuropsychologie cognitive. C'est-à-dire que on s'est dit, ces modèles assez abstraits que j'ai du fonctionnement, du langage, de la lecture, de la vision, etc., est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses se passent dans le cerveau ? Et pour savoir si c'est effectivement comme ça que les choses se passent dans le cerveau, on est allé voir des patients, les mêmes patients avec des accidents vasculaires qu'on avait étudiés depuis l'époque de Broca et de Charcot au XIXe siècle. Donc il y a une espèce de mariage entre les sciences psychologiques et les sciences du cerveau. Et ensuite, se rajoute encore à ça le développement de beaucoup plus récent de toutes les méthodes d'imagerie cérébrale, de modélisation, pour arriver à la situation actuelle où il y a vraiment tout un corpus de sciences qu'on appelle les neurosciences cognitives qui combinent tout ça. 11 octobre 1979, Interactualité. Deux chercheurs, un Britannique et un Américain, se partagent le prix Nobel de médecine. Messieurs Gottfried Hounsfield et Alan Cormack ont mis au point un appareil assez révolutionnaire, le scanner, un système 100 fois plus précis qu'une radiographie. Les explications du docteur Medger à Germaine Bartoli. Il est possible maintenant de voir à l'intérieur de la boîte crânienne des lésions qu'il était impossible de voir sur des radiographies habituelles. On voit la tumeur elle-même. Cette méthode ne présente aucun risque. L'invention du scanner, le bon vieux scanner maintenant on dirait, c'est-à-dire une manière de faire des radios, mais de faire interpréter ces radios par des ordinateurs qui permettent de faire des coupes dans l'épaisseur des organes, c'est vraiment une révolution. Parce qu'en réalité, c'est la toute première fois qu'on peut voir le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Il n'y avait pas moyen de faire autrement, sauf à ouvrir la tête. Pour la première fois, on a pu savoir si quelqu'un qui avait fait un accident vasculaire, est-ce que c'était un accident vasculaire ischémique, c'est-à-dire une artère qui se bouche, ou hémorragique, une artère qui saigne. Jusqu'à présent, les neurologues faisaient les malins, tiraient à pile ou face, disaient « à mon avis, c'est ischémique, à mon avis, c'est hémorragique ». Et on s'est aperçu avec le scanner que les neurologues se trompaient extrêmement souvent. Toutes les cellules de notre corps, du corps depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête, eh bien, dérivent d'une seule cellule, un œuf qui a été fécondé. Ensuite, dans le ventre de notre mère, cet œuf s'est divisé en deux, en quatre, en huit, etc. Au début, toutes les cellules filles étaient pareilles. Puis, à un certain moment, les cellules filles commencent à se différencier les unes des autres. Il y en a qui vont donner du cœur, d'autres du foie, d'autres de la rate, etc. Et puis, il y en a qui vont devenir des neurones, des cellules cérébrales. Et ces neurones ont deux grandes particularités. Première grande particularité, elles ont une forme incroyable, c'est-à-dire que chacun de ces neurones est une espèce de buisson, avec des centaines et des centaines de branches extrêmement ramifiées. Ça, c'est la première chose. Et tous ces buissons sont emberlificotés les uns avec les autres de manière extrêmement serrée dans votre crâne. La deuxième grande particularité de ces cellules par rapport aux autres cellules, c'est qu'elles communiquent entre elles avec des messages électriques. Il y a des petits messages qui sautent d'une cellule à l'autre et se propagent le long des cellules comme des potentiels électriques. Et toutes nos pensées, nos sentiments, nos souvenirs, tout ce qu'on se dit dans sa tête, tout ce que vous voulez, eh bien, concrètement, ce sont ces vagues électriques qui se propage à travers des milliards de cellules à l'intérieur de notre tête. Ça, c'est une espèce d'image globale de ce que c'est que le cerveau. Alors ça fait tout ça tassé ensemble, parce qu'il n'y a pas que les neurones, il y a les autres cellules qui sont là dans le cerveau, les cellules gliales, etc. Ça fait un paquet qui fait à peu près 1,5 kg, qui est grisâtre, rosâtre, à l'intérieur de votre crâne, bien protégé par le crâne et les méninges qui l'entourent. Il y a des centaines de milliards de neurones, chacun connecté avec des milliers de ses voisins. Donc vous imaginez la complexité de la chose. Si on regarde le cerveau avec un peu de recul, ça ressemble un petit peu à une noix. À l'intérieur d'une noix, c'est tout fripé et c'est assez symétrique. C'est-à-dire qu'on a un hémisphère gauche, un hémisphère droit, comme chacun sait, et qui ont à peu près exactement la même forme. Il y a les mêmes replis à peu près dans les deux hémisphères. Je dis tout le temps à peu près parce qu'il y a des petites différences. Certains sillons sont sont pas penchés exactement de la même manière dans les deux hémisphères. Mais en gros, c'est un organe qui a l'air symétrique. Et qui, pour une grande partie de ses fonctions, est effectivement symétrique. C'est-à-dire que quand vous bougez la main droite, le mouvement est commandé par votre hémisphère gauche. Quand vous bougez la main gauche, le mouvement est commandé par votre hémisphère droit. Mais il y a aussi des fonctions qui, elles, ne sont pas symétriques. C'est-à-dire qui reposent sur un hémisphère et pas sur l'autre. Le plus classique, on en a parlé, c'est le langage qui repose vraiment sur l'hémisphère gauche. C'est lui qui parle. Et d'autres fonctions, par exemple la capacité à reconnaître les visages, vous reconnaissez votre visage dans un miroir, le visage de votre femme, de votre voisin et de vos enfants, eh bien ça repose sur des régions de l'hémisphère droit. C'est un peu un lieu commun, mais le cerveau est un organe plastique. Toute votre vie, vous pouvez apprendre des choses. On peut apprendre à parler de nouvelles langues, on peut apprendre à faire des choses, etc. etc. Et toutes ces connaissances nouvelles et ces savoir-faire nouveaux, il faut bien qu'ils soient quelque part stockés matériellement et ils sont stockés dans le cerveau. Autrement dit, le fait que vous puissiez apprendre veut dire que votre cerveau matériellement se modifie. Et ça, ça ne s'arrête pas à un âge donné, ça se poursuit toute la vie. Même si, évidemment, quand on est jeune, quand on est enfant, le cerveau a une plasticité, des capacités de modification qui sont plus importantes. Le nombre de neurones dans le cerveau a tendance à diminuer avec le temps, depuis qu'on vient au monde jusqu'à ce qu'on meure. Mais en soi, c'est pas très grave, parce que rien ne dit que d'avoir plus de neurones en soi, c'est mieux. C'est-à-dire que, par exemple, au cours de l'apprentissage, au cours du développement chez les bébés, il y a des périodes absolument critiques dans l'apprentissage qui ne correspondent pas à un gain de neurones, mais à une perte de neurones. L'important étant de garder ceux qui sont vraiment importants, ceux qui portent de l'information. Donc le nombre de neurones diminue, mais il ne faut pas trop s'en soucier. Alors, on a pensé longtemps que le cerveau était fixé, c'est-à-dire qu'à partir de la naissance, on était au nombre maximum de cellules et qu'ensuite, on ne faisait que en perdre. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que chez les humains, il y a une ou deux régions cérébrales, dans les hippocampes, dans le bulbe olfactif, où pendant toute la vie, on continue à fabriquer de nouveaux neurones. Et il semble que, en tout cas dans l'hippocampe, ça ait une certaine utilité et que cette multiplication des neurones contribue au bon fonctionnement des processus de la mémoire. Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond. will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything in the end. I wanna bring her round to meet her. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. Makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up, I'm in love, trying. I'll take you might fit. She might just be my everything and beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. C'était Beyond par Leon Bridges. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Une grande étendue de notre cerveau sert à la reconnaissance des objets, des lieux, des visages ou des mots. On le sait grâce à une technologie révolutionnaire qui est apparue il y a un peu plus de 30 ans. Cette technologie, c'est l'IRM. Le docteur Alain Taïeb, chef de service à l'hôpital Saint-Joseph de Paris, la décrivait le 4 juillet 1989 sur France Inter. L'IRM, c'est une technique qui est apparue au début des années 1980, qui n'utilise pas les rayons X, mais le magnétisme, c'est-à-dire qu'on place le sujet dans un aimant où les protons de son corps, c'est-à-dire les petits atomes d'hydrogène, vous savez qu'on est composé à 70% d'eau, vont s'orienter. Et à partir de là, on va construire, grâce à l'ordinateur, une image du corps humain. On peut aussi avoir des images dans les trois plans de l'espace, ce qu'on ne pouvait pas avoir avec le scanner. L'IRM permet aux neurologues comme Laurent Cohen d'avoir accès à des cerveaux en activité. L'IRM marche sur un principe absolument nouveau pour l'imagerie du corps, qui est extrêmement indirect, c'est-à-dire que ça utilise des phénomènes de physique quantique extrêmement subtils, utilisés de manière extrêmement indirecte pour reconstituer des images de ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est une technique qui est remarquable parce qu'elle est extrêmement variée. En fait, avec la même machine d'IRM, on peut faire plein de choses différentes. Il y a une première utilisation, qui est la première qui a été développée, c'est l'IRM anatomique. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des tranches, comme si on vous coupait en tranches de tous les organes que vous voulez, évidemment en particulier du cerveau, et de voir s'il y a une lésion, un accident, quelle est la nature de cet accident, à tel ou tel endroit dans le cerveau. Ça, c'est l'IRM anatomique. Je pense que beaucoup de gens savent à quoi ressemble une machine d'IRM, parce qu'on s'en sert pour le cerveau, mais aussi si vous avez de l'arthrose dans le dos, dans le cou, ou si vous avez une maladie du foie, on vous fera des IRM. Et c'est un gros tuyau en substance dans lequel vous vous allongez, qui en fait vous place dans un champ magnétique extrêmement puissant, et ensuite, on introduit, on vous bombarde d'ondes radio qui modifie un petit peu ce champ magnétique, qui, et puis votre corps va renvoyer des ondes radio que la machine va mesurer et va reconstruire sur cette base des images de votre corps. Alors, c'est absolument inoffensif, ça fait beaucoup de bruit, mais généralement, on vous met des bouchons dans les oreilles pour que vous ne soyez pas trop gênés. 2015, vers un monde altruiste, documentaire de Sylvie Gillamin et Thierry Delestrade. Ok, donc on commence maintenant un bloc de Lou Matin, une minute, qui sera suivi par 2 minutes et demie de méditation mantra avec Crozer. On commence maintenant. Les chercheurs observent sur les écrans une augmentation de l'intensité des ondes gamma. Ils constatent également de grandes différences dans les zones de la régulation de l'attention et des émotions. Le cerveau des méditants est modifié en profondeur. C'est très très rare de faire une expérience en laboratoire et de voir à l'œil nu une modification des signaux du cerveau. Avec Mathieu, c'était boum. Nous avons été capables de voir en direct, à l'œil nu, sur les écrans, pendant qu'on enregistrait. Et la première chose que nous avons pensé, c'était que l'équipement devait avoir un problème. La découverte est extraordinaire. Une activité purement mentale est donc capable d'induire des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau. Cet exemple d'imagerie de la méditation, ça montre quelque chose d'intéressant. C'est que finalement, il n'y a pas d'aspect de la vie mentale qui soit inaccessible à la science. Par exemple, en l'occurrence, la méditation. Alors moi, mon travail personnel porte pas là-dessus, porte par exemple sur la lecture. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous lisez un mot, quand vous comprenez un mot? Ou j'ai aussi travaillé dans le domaine du calcul mental. On essaye en ce moment de comprendre ce qui se passe dans le cortex visuel de sujets aveugles, des gens qui ont toujours été aveugles. À quoi leur sert la partie du cerveau qui habituellement sert à voir? Donc des questions de ce genre-là. Si on prend l'exemple de la lecture, eh bien, ça fait toujours plaisir de remonter au 19e siècle. En 1892, un neurologue parisien du nom de Dejerine a étudié et publié le cas d'un patient qui avait perdu, dans l'espace de la nuit, complètement la capacité de lire. C'est-à-dire que la veille, c'était un brave homme qui lisait son journal. Le lendemain matin, il se réveille, il ouvre son journal, il voit des traces noires sur un fond blanc. Il est incapable de reconnaître les mots. Il est incapable de reconnaître même une lettre. Il est capable de dire, devant un A majuscule, « Ah bah oui, c'est une espèce de triangle, on dirait un chevalet, etc. » Mais ce que ça veut dire, ce que c'est comme lettre, ça, c'est impossible. Et ce que ce patient a eu, c'est ce qu'on appelle maintenant une alexie pure. C'est-à-dire que tout son fonctionnement mental était intact. Il pouvait parler, comprendre ce qu'on lui disait, écrire normalement, reconnaître les visages, les objets, mais reconnaître les lettres et les mots, non. Et ce que ça veut dire, ça, c'est un peu ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est la spécialisation cérébrale va jusqu'au point qu'il y a une région bien précise qui se spécialise dans la reconnaissance visuelle des lettres. Quand elle est endommagée, vous ne pouvez pas reconnaître les lettres. Et donc, on a beaucoup travaillé au cours des dernières années, également avec Stanislas Dehaene, sur cette fameuse région. On sait où elle est, mais quelles sont ses propriétés? Comment est-ce qu'elle se développe chez les enfants? Comment est-ce qu'elle fonctionne chez des gens qui sont illettrés, chez des adultes illettrés? Comment est-ce qu'elle est connectée avec le reste du cerveau en général, avec les régions qui servent à comprendre le sens des mots en particulier? Donc, il y a pas mal de mes travaux qui ont porté sur ces mécanismes de la lecture et notamment le rôle de cette région spéciale dans la reconnaissance des lettres. Une des choses qu'on voit, si on regarde cette région de près, c'est qu'elle porte l'empreinte de ce que notre culture nous a appris. C'est-à-dire que quand un enfant va à l'école, il n'apprend pas juste à lire, il apprend à lire un alphabet bien particulier, dans une langue qui a son orthographe bien particulière. Et en utilisant l'imagerie fonctionnelle de façon un petit peu rusée, on arrive à voir que ces connaissances spécifiques sur de notre alphabet, le fait qu'un petit A minuscule qui a la forme d'un rond et un grand A majuscule qui a la forme d'un triangle, eh bien on a appris que c'est en réalité la même lettre. Ou le fait qu'en français, un Z, un K, un W, l'un à côté de l'autre, c'est pas possible en français. eh bien on peut montrer que ces connaissances-là, cette petite région d'un centimètre cube dans le cerveau, dans le système visuel, cette région a incorporé ces connaissances-là. Donc on voit la manière dont la plasticité de notre cerveau permet de prendre l'empreinte de la culture dans laquelle on est plongé. On a travaillé depuis pas très longtemps sur le cerveau des aveugles congénitaux, des gens qui sont aveugles depuis toujours, quasiment depuis la naissance ou quasiment depuis la naissance. Et donc, il y a une grande partie du cerveau, tout l'arrière du cerveau, en fait, sert normalement à voir, c'est-à-dire à savoir quels sont les objets qui nous entourent, où ils sont placés, tout ça sur la base de ce que nos yeux nous apprennent. Quand les yeux ne marchent pas, est-ce que toutes ces zones du cerveau tombent juste en jachère, ne servent plus à rien, ou bien est-ce qu'elles prennent de nouvelles fonctions? Et il semble que, d'une part, certaines de ces régions continuent à faire le même travail que d'habitude, sauf qu'elles ne le font plus à partir des yeux, mais à partir des autres sens. Par exemple, la région qui sert à percevoir les mouvements des objets qui se déplacent dans l'espace, eh bien, cette région continue à analyser les mouvements, mais plus à partir des yeux, mais à partir des sons que peuvent émettre les objets qui se déplacent. Ou cette fameuse région qui sert à reconnaître les lettres, eh bien chez des aveugles congénitaux qui ont appris à lire en braille, cette région continue à servir à reconnaître les lettres, mais pas les lettres qu'on voit, les lettres qu'on touche en braille. Et puis, il y a une deuxième chose, qui sont des régions qui font quelque chose apparemment de complètement nouveau. Et on a montré, par exemple, que le langage, la mémoire, la prise de décision provoquent des activations de ces régions visuelles du cerveau chez des aveugles, ce qui n'est pas le cas chez des gens qui ne sont pas aveugles. Ce qu'on ne sait pas encore très bien, c'est si ces activations qu'on voit dans les régions visuelles servent vraiment à quelque chose. Est-ce que ça s'active mais ça ne sert à rien? Ou est-ce que ça s'active et on en a réellement besoin? Il y a des raisons de penser que c'est des activations qui sont utiles, en plus d'être là. On écoute Clou, les Gauloises bleues. On fumait des Gauloises bleues, les beaux jours. On fumait des Gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'Aisne, parfois je voyais Verlaine. Ah, les beaux jours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Jeffersoner Plaine s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutiques à music hall, au boulevard du rock'n'roll. Ah, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du Clichy. Arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des Gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voir si les fleurs du mal vous êtes encore en cette saison. Allez, bonjour. Allez, bonjour. Chauvière sur France Inter. Le cerveau est un organe qui reste très mal connu par les chercheurs. L'intelligence ou la mémoire n'y sont pas gravées et il est difficile d'imaginer que l'on pourra un jour mettre à nu la pensée d'un individu. La science a quand même fait de beaux progrès depuis les années 70. Voici ce que disait l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov en 1974 dans Les Incroyables Prescriptions sur le futur, une archive INA. Nous n'en savons pas assez sur le cerveau. Notre cerveau est si compliqué qu'il est très difficile pour l'homme d'en comprendre le mécanisme. On essaie de comprendre le cerveau humain avec le cerveau humain. Or, la seule manière de le faire est de réunir plusieurs cerveaux sur ce problème. Et cela peut se compliquer au point qu'un ordinateur devient nécessaire pour formuler les résultats. Puis, les machines s'améliorant, nous nous améliorerons aussi. Bien sûr, je nage sans doute dans l'utopie, mais peut-être aussi qu'un jour, l'homme et la machine se dresseront ensemble face à l'univers. Laurent Cohen, professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Isaac Asimov, en 1974, je trouve, avait une vision assez juste et assez optimiste et assez réaliste de la situation et de ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire que parmi les outils qui nous permettent d'avancer dans la compréhension du cerveau, mais aussi des atomes et des particules fondamentales, il y a de très gros ordinateurs sans lesquels ces travaux seraient tout simplement impossibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents que nous, ça veut dire qu'ils fournissent des puissances de calcul qui permettent de faire des choses qu'on ne pourrait absolument pas faire autrement. En ce qui me concerne, c'est impossible. Moi, je ne peux pas vous dire quels sont les grands projets d'avenir importants dans le domaine de la recherche du cerveau. Ça part dans tous les sens. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est toujours sur cette question, par exemple, de lecture, hein. Je vous ai dit, on sait à peu près à quoi sert cette fameuse région de reconnaissance des lettres. Mais dans cette région de reconnaissance des lettres, il y a des millions de neurones. Autrement dit, on est à un niveau de description extrêmement grossier en réalité. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel rôle les neurones individuels jouent dans cette reconnaissance des lettres, dans ce codage de l'orthographe. Que savent faire les neurones individuels dans une région qui fait de l'orthographe? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien d'une part parce qu'on n'a pas les bons modèles, les bonnes idées encore, pour savoir comment est codée l'orthographe par les neurones. Et deuxièmement, on n'a pas les moyens technologiques pour regarder chez l'homme, avec suffisamment de précision, neurone par neurone, ce que sait faire le cerveau. On n'a pas les moyens, ou en tout cas, on ne les a pas tout à fait. On peut faire des enregistrements de neurones uniques chez des hommes, mais dans des régions particulières, parce qu'il faut que ce soit des patients qui ont des électrodes pour l'exploration d'épilepsie, etc. L'IRM, on peut la faire chez des gens bien portants, et on peut regarder toutes les parties du cerveau, mais la résolution, la finesse n'est pas encore suffisamment bonne. On voit encore des gros paquets de 1 mm cube. On voudrait voir des petits paquets de neurones beaucoup plus petits. Donc voilà un exemple d'une question, on voudrait avancer dans le code neural. Comment les neurones font pour représenter ces choses, comme par exemple l'orthographe, mais on pourrait dire la même chose pour les émotions, pour la vision, pour le langage. Si on regarde les choses du point de vue médical plutôt que fondamental, il y a une évolution que je trouve tout à fait sympathique, qui est le rapprochement entre la neurologie et la psychiatrie. Et il y a une espèce de mouvement de balancier, c'est-à-dire que jadis, ce n'étaient pas deux spécialités distinctes. Puis elles ont été distinguées en deux spécialités tout à fait distinctes. Puis maintenant, c'est toujours des spécialités médicales distinctes, mais qui sont très proches l'une de l'autre. Elles sont très proches parce que fondamentalement, les deux la neurologie et la psychiatrie, s'occupent de cerveaux qui ne fonctionnent pas bien, de cerveaux qui souffrent. Et d'ailleurs, on a créé, il y a quelques années, à la Salpêtrière, une unité d'hospitalisation qu'on a faite avec Richard Lévy, Philippe Fossati et d'autres, pour des patients qui sont absolument à la frontière de la neurologie et de la psychiatrie, et pour lesquels les neurologues ont du mal à s'y retrouver, les psychiatres ont du mal à s'y retrouver. En revanche, si on met toutes ces compétences ensemble, on arrive à faire des diagnostics un peu mieux, on arrive à faire des traitements peut-être un petit peu plus adaptés. Et en plus, ça permet de progresser également dans le domaine de la recherche de ces entités qui sont un petit peu à cheval entre les deux, comme par exemple l'apathie. Des gens qui font plus rien, qui spontanément cessent d'agir, eh bien c'est des choses qu'on peut voir dans certaines maladies dégénératives du cerveau, c'est des choses qu'on peut voir dans des dépressions sévères, et là on se retrouve vraiment aux confins des deux disciplines. Alors, les maladies du cerveau, elles sont extrêmement nombreuses, variées et extrêmement fréquentes. Ce n'est pas des choses rares, les maladies du cerveau. Les accidents vasculaires cérébraux, il y en a beaucoup. La migraine, dans un registre beaucoup moins grave, c'est extrêmement fréquent. Il y a, je ne sais pas, au moins 15% de la population qui a des migraines. C'est de la neurologie, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, dont on parle beaucoup avec raison, puisque c'est une maladie de l'âge relativement avancé, et que comme la population vieillit, eh bien c'est une maladie qui se développe. Donc les maladies neurologiques sont extrêmement variées et fréquentes. Alors, il y a un peu une légende qui n'a pas encore totalement disparu, qui est celle du neurologue qui est un contemplatif, qui fait des diagnostics élégants, sophistiqués, mais qui est complètement inutile, qui ne peut rien faire pour les patients dont il s'occupe. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a eu des progrès thérapeutiques importants, il y a eu des progrès dans le traitement. Pour vous donner quelques exemples, des accidents vasculaires cérébraux, qui maintenant, si on les prend à une phase très précoce, on peut dissoudre le caillot avant que le maximum de dégâts soit fait. Autre exemple, dans le domaine de la sclérose en plaques, où on ne pouvait pas faire grand-chose, maintenant il y a des traitements très efficaces qui permettent de limiter la survenue des poussées de cette maladie. Dans la maladie de Parkinson, c'est pas tout à fait neuf, mais c'est quand même très spectaculaire. Il y a les possibilités, en plus des médicaments, d'implanter certains patients avec des électrodes intracérébrales pour contrôler leurs symptômes d'une manière efficace. Donc, il y a des progrès considérables. Alors, malheureusement, il y a souvent un décalage entre la recherche fondamentale et la découverte de traitements efficaces. Il y a une vieille légende selon laquelle on utiliserait 10% de notre cerveau. Alors, ça vient de l'idée que, effectivement, si on endommage certaines parties du cerveau, par exemple l'avant droit, ça ne va pas avoir de conséquences évidentes. C'est-à-dire que vous pourrez parler, vous pourrez bouger, vous pourrez voir, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que ces régions sont inutiles. Ça veut dire qu'elles sont utiles pour des choses subtiles. La prise de décision, l'adaptation sociale, etc. etc. En réalité, on utilise la totalité de son cerveau. Ça se voit par exemple en imagerie fonctionnelle. Et d'ailleurs, ce serait trop beau si on utilisait 10% de notre cerveau. Ça veut dire qu'on aurait une marge de 90% à découvrir. Bon, ben, je ne suis pas aussi optimiste que ça. Le cerveau, on peut certainement faire du bien pour notre cerveau, ce qui est un peu une manière moderne de dire que dois-je faire pour être heureux finalement, qu'est-ce que je dois faire pour que mon cerveau se porte bien. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un muscle. C'est-à-dire qu'un muscle, si vous soulevez des poids, vous allez avoir un plus gros muscle. Et avec votre plus gros muscle, vous pourrez soulever ce que vous voulez, des valises, des pots de fleurs, etc. Le cerveau, ce n'est pas comme ça. Si vous faites beaucoup de calcul mental, par exemple, vous allez devenir bon en calcul mental. Mais ça ne va pas forcément se généraliser. Vous ne serez pas pour autant meilleur pour les mots croisés. C'est tout à fait différent. Je dirais que ce qu'on peut faire de mieux pour votre cerveau, c'est plutôt des conseils complètement idiots, mais très importants, du genre, pour que votre cerveau vieillisse bien, il faut que vos artères vieillissent bien. Donc, si vous fumez, vous aurez des artères qui vont se boucher, et ça ne sera pas bon pour votre cerveau. Il faut attacher votre ceinture de sécurité dans votre voiture, parce que si vous prenez un grand coup sur la tête, ça ne va pas être bon pour votre cerveau. Etc. Il y a des conseils de base. Et puis, par ailleurs, il faut avoir une alimentation normale. Et par ailleurs, il faut faire fonctionner votre cerveau de manière agréable. Laurent Cohen est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au cerveau. Le dernier, Pourquoi les filles sont si bonnes en maths, est désormais disponible en poche chez Odile Jacob. Vous pouvez aussi retrouver Laurent Cohen dans un des chapitres du livre Les grandes épopées qui ont fait la science, un ouvrage publié chez Flammarion en partenariat avec les aventuriers de France Inter. Cette émission, comme toutes celles passées et à venir de cette saison estivale, est en libre podcast sur le site de France Inter. Clément Baudet réalise Les Aventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son, Fabrice Desmaz et Raphaël Rousseau. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Demain, il sera encore question du cerveau. Nous parlerons de la mémoire avec Pierre-Marie Liédot, neurobiologiste, membre de l'Académie européenne des sciences, directeur de recherche au CNRS et directeur du département de neurosciences à l'Institut Pasteur, où il dirige le laboratoire de recherche Perception et Mémoire. À demain !